Que ce soit pour le démarrage, l'acquisition ou le développement de votre entreprise, la SADC Maria Chapdelaine peut vous aider à réaliser vos projets. Notre équipe est là pour vous aider à valider une occasion d'affaires, faire un montage financier, rechercher du financement et même participer à ce financement dans certains cas. Contactez-nous au 276-0405 ou encore via le www.sadcmaria.qc.ca. La SADC vous rappelle l'importance de soutenir nos entreprises locales. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. On va faire le tour de la semaine dans la NCAA et dans la NFL avec notre ami Hugues Fauché. Salut Hugues! Salut Dany, ça va bien? Ça va bien, ça va bien Hugues. On va parler d'abord de ce qui s'est passé du côté de la NCAA. Écoute, il n'y a pas eu vraiment de grandes surprises en fin de semaine. Non, ça n'a pas été une grande fin de semaine dans la NCAA. Effectivement, on a eu beaucoup là, de surprises au cours des dernières semaines, mais là, Cette semaine, la logique a été plus respectée, je te dirais. Donc, on va avoir une couple de bons matchs en fin de semaine, on pourra en reparler. On va avoir Michigan State, entre autres, là, hein, qui va être le gros match de la fin de semaine. Mais là, c'était un peu une fin de semaine un peu plus down, avec des équipes qui, avec des matchs un peu plus low profile, là. Notamment, mais il y a quand même des matchs intra-division entre des équipes fortes et des équipes un peu plus faibles, mais il y a quand même Oklahoma qui a quand même failli se faire surprendre. Encore une fois, Spencer Rattler, le record, il fait pas le job. Hein. Lui qui était considéré comme étant le gagnant de Trophy Heisman, il était pratiquement considéré. Oui. Puis c'est finalement une recrue qui est en train de lui voler le poste. Là. Oui, il s'est fait voler carrément son poste. Le recrue qui a pris la place, il est bon. Mais c'est sûr que c'est un true freshman, alors il faut lui laisser le temps. Mais il a fait plusieurs bons jeux. Il est plus. Oui, exactement. Très, très bon, honnêtement. Je dirais qu'à ce stade-ci, après deux matchs, on fera pas de prédiction, mais il va être haut sur les tableaux des recruteurs dans deux ans quand il va être admissible au repêchage. S'il continue sur ce chemin-là, il a un bon début de carrière. Est-ce que ça va être assez pour amener Oklahoma en série? On va voir. Mais pour l'instant, ils ont gardé leur fiche invaincue, sauf qu'une victoire au quatrième quart contre Kansas, ça va leur nuire plus que ça va les aider dans le classement. Ouais. C'est ça qui est drôle. Faut que tu gagnes, mais faut que tu gagnes avec du style. Puis Penn State est tombé aussi là, face à Illinois. Ils ont subi une deuxième défaite. Donc, Penn State connaît une bonne saison, mais là, ils sont 5-2, puis eux vont jouer contre Ohio State en fin de semaine. Leur carrière est blessé, je pensais, du côté de Penn State. Oui, monsieur, il a joué quand même, mais il n'était pas à 100%, puis il n'a pas joué un bon match. Alors, ils ont besoin de lui. Il avait un bon début de saison, mais la blessure l'a ralenti. Il s'est fait sortir le dernier match, c'est pour ça que Penn State a perdu. Et là, ce match-là, il a joué, mais il n'était visiblement pas à 100%. Sa motion de passe n'était pas bonne, puis il y avait de la difficulté, n'était pas très mobile non plus. Donc, une victoire surprise. Penn State est un petit peu sur le respirateur artificiel, mais s'il gagne contre Ohio State en fin de semaine, il pourrait se rétablir dans les classements. OK. Donc, Cincinnati, quand on parle également de victoire avec Panache, Cincinnati qui a eu de la misère. Pas une misère vraiment, là, mais tu sais, quand tu as fond de Navy, puis tu es la deuxième au classement général, tu es supposé de gagner par pas mal à pas grand-chose. Finalement, ils ont gagné 27-20. Évidemment, le point. J'ai écouté le match, ça n'a pas été un match qui n'est pas nécessairement si serré que ça. Par contre, normalement, tu aurais dû gagner, comme je disais, par beaucoup. Oui, tout à fait. Est-ce que le comité... le comité n'a pas encore sorti ses classements. Donc, on ne sait pas où ce que Cincinnati va se trouver pour vrai. Mais actuellement, selon les classements non officiels, ils sont deuxièmes. La pression est forte sur eux parce que jamais une université du Group of Five s'est trouvée aussi haute que ça, à ma connaissance. Je n'ai pas de souvenir de ça. Alors, c'est historique ce qu'ils sont en train de faire à Cincinnati. C'est super le fun à voir, mais ils n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre. S'ils perdent un match, c'est fini. Alors, ils doivent tous les gagner, puis même encore, c'est pas sûr. Alors, effectivement, ils vont devoir gagner avec plus de... la semaine passée, ils avaient massacré UCF, ça c'est bon. qui est quand même une bonne équipe, mais là, une victoire peut-être un peu trop serrée contre Navy. Il va falloir qu'ils gagnent par une plus grande marge que ça s'ils veulent impressionner le comité. OK. Donc, c'était pas mal le tour de la fin de semaine. Parlons maintenant de ce qui s'en vient. Il y a deux gros matchs en fin de semaine. Ben, il y a Penn State, que tu l'as mentionné, contre Ohio State. Ça va être à 19h30, mais surtout le gros match, c'est Michigan-Michigan State. Ça, c'est à midi sur Fox la semaine prochaine. Ça va être bon. Incroyable. Ça, c'est le match de c'est la grosse rivalité. D'abord, Michigan-Michigan State, c'est toujours une grosse rivalité entre les deux. Fait que c'est ça. Puis écoute, les deux invaincus, au moment de s'affronter, 7 victoires, aucune défaite, les deux classés dans le top 10, moi, j'ai jamais vu ça. Je sais pas, là, s'il y a des gens qui ont déjà vu ça. Moi, j'ai pas vu ça. Il y a toujours une des deux universités, par définition, qui est un peu plus forte au détriment de l'autre, parce qu'ils sont dans le même état. Fait que, quand Michigan State, là, comme à l'époque de Kirk Cousins, était super fort, Michigan va prendre un petit peu le siège arrière quand Michigan devient fort. Mais là, les deux en même temps, c'est du jamais vu pour moi. C'est qu'écoute, c'est quel match, hein? Ça va être incroyable. Ça, c'est à midi, c'est le match à pas manquer. Il y en a une couple d'autres qui vont être bons. C'est vrai que c'est à midi, c'est match, ça. Ça aurait dû être un match de prime time, normalement. Là. Je comprends pas pourquoi c'est pas été un match à heure de grande écoute, mais bon, c'est pas grave. Là, on va ça aurait dû être le soir à... Oui, mais t'as raison. Ça, clairement, ça aurait dû être le soir. Il y a un autre match aussi, moi, que j'ai bien hâte de voir. Là, c'est Georgia. Oui, ça c'est mon deuxième match, c'est Penn State, Ohio State, mais Georgia contre Florida, j'ai hâte aussi parce que Georgia sont premiers à 7-0, c'est la première, puis Florida c'est quand même une équipe, les Gators c'est quand même une équipe qui pourrait leur donner du trouble un peu, c'est que j'ai hâte de voir s'ils vont gagner, puis comment ils vont gagner contre les Gators, donc ça c'est à 3h30, donc vraiment un match à midi, un match à 3h30, puis un match de soir qui sont vraiment plus intéressants que les autres. Là. OK. Donc, on va surveiller ça d'après. Dans la NFL, maintenant. Oui. La NFL, écoute, en fin de semaine, 600 passes de toucher pour Tom Brady. C'est jamais qu'on va voir ça. Là. Je pense, non. Puis le gars, il a manqué une saison en plus de ça. Faut pas oublier ça. Là. Oui. Fait que, c'est vrai. En 2008, je pense qu'il avait manqué une saison. Donc écoute, on verra pas ça. C'est pas compliqué, là. Tu sais, quand tu vois Big Ben, quand tu vois les Drew Brees qui arrivent à 40 ans, c'est difficile. C'est là que ça démontre que Tom Brady, c'est un extraterrestre, c'est pas compliqué. Ah oui, Peyton Manning aussi, ça avait baissé vite, Brett Favre. Très vite, Brett Favre. Tu sais, c'est pas normal, effectivement. C'est comme un expert en lecture de défensive qui est rendu à l'âge qu'il a, puis avec l'expérience qu'il a, qui est sur le terrain, puis écoute, c'est incroyable ce qu'il fait. Il lit tellement bien le jeu. On est d'accord, effectivement, ce que tu dis, Danny, je suis d'accord avec toi, c'est historique, on reverra jamais ça. Je vois pas comment quelqu'un pourrait avoir ce genre de carrière-là, c'est complètement hors norme. Puis encore 38-3 contre les Bears, et juste à l'opposé du spectre, là, il va falloir qu'on dise à un moment donné, t'as le c'est trop tôt, tu sais, moi j'aime pas massacrer des carrières de recrues, là, on leur laisse le temps, puis j'aime beaucoup Justin Fields, j'aime la carrière qu'il a eu à Ohio State, mais ça va pas du tout depuis le début de sa carrière à NFL, c'est que quelques matchs, là, il est trop tôt pour le lancer sous l'autobus, mais... Wilson, c'est la même affaire, tu sais, il était blessé, même affaire. Mais quand tu regardes Joe Burrow, ça c'est le fascinant de la fin de semaine dans mon livre et moi, c'est qu'ils ont un puissant statement, écoute... Faut prendre le temps de le développer, hein. Est-ce que c'est dans le fond, ce qui a permis à Burrow de se développer, c'est de connaître la saison, c'est qu'il est allé chercher Jamal Chase. C'est incroyable, lui, là. Oui. Ah non, ben c'est sûr. C'est son excellente performance. Jamal Chase, il a donné 200 verges en fin de semaine avec des courses après l'attraper. C'est sûr que ça aide, mais oui, t'as raison. C'est ce qu'il a. Qui a fait décoller Joe Burrow, mais écoute, qui aurait cru que les Bengals... Puis je te fais juste une petite parenthèse, Danny, là, moi j'aime ça quand la NFL est comme ça. La semaine passée, là, on aurait dit, regarde, c'est simple, là, dans la conférence américaine, c'est pas compliqué, t'as Buffalo, puis t'as les Ravens. C'est les deux meilleures équipes. Les Chargers sont bons, mais on va attendre un peu, on va garder une petite gêne. Mais là, ça a complètement, en une semaine, le portrait a complètement changé. Là, les Ravens se sont fait. Ah oui, oui. Les Ravens se sont fait pas seulement battre, ils se sont fait battre solidement par les Bengals. Et là, on dit, voyons, c'est-tu. Les Bengals sont-tu pour vrai? On peut commencer à se poser la question. Moi, je me garde une réserve, là. J'ai de la misère à voir à ce moment-ci, mais c'est du bon football complémentaire qu'ils ont joué. Puis Joe Burrow est vraiment très bon. C'est un gars qui a beaucoup, beaucoup de caractère. Il est tough. Puis, écoute, il joue bien. Fait qu'on va voir. Mais oui, t'as raison. C'est le fait saillant de la fin de semaine, là. Une victoire complètement inattendue. J'aurais pas parié ma chemise là-dessus, je peux te le garantir. Mais très content pour les. Hey, 41-17, c'est pas rien, là, contre une bonne équipe. Les Ravens qui venaient d'avoir quoi? C'est 5 victoires consécutives? 5 ou 6 victoires consécutives, les Ravens? Ouais. Donc, une victoire de Statement contre les Chargers la semaine passée. Ils sont battus solidement. Ouais. On avait fait tout un plat la semaine passée avec Ravens, Chargers, puis ça va être le match en deux styles de corps différents. Puis finalement, les Ravens ont réglé le cas des Chargers pour aller après ça se faire battre solidement. Alors, le portrait là, dans la conférence américaine présentement, il est tout sauf clair. Ouais. On sait pas qui va s'en sortir, puis c'est un peu la même chose dans la nationale. Je te dirais que presque rendu à mi-saison, c'est bien, bien difficile là, de trouver un favori, une équipe de Super Bowl à ce stade-ci. En tout cas, moi, je ne me risquerais pas. Même là, dans c'est la conférence nationale, c'est dur aussi. Oui. Tu as l'Arizona, t'as Green Bay. Tout un match, d'ailleurs, j'ai dit ça, c'est probablement le match de la semaine. Ah. Green Bay qui s'en qui est en Arizona. Ah oui. OK, et par la suite, ben c'est un gros match. De Tampa Bay qui est encore là. Ça reste les gagnants. Moi, quoi que répéter deux fois consécutifs, c'est très difficile. Après ça, donc c'est pas fini, là. Non, les Rams, les Rams paraissent bien. Ouais. Absolument. Mais moi, je te dirais, le Green Bay, c'est que Green Bay nous a tous endormis en jouant un exécrable premier match. Alors là, on a dit, bon, ben Green Bay, cette année, ça sera pas fort. Puis finalement, depuis ce temps-là, ils ont pas perdu une seule fois. Alors, effectivement, c'est même dans la nationale, on ne sait pas. Ce qu'on sait dans la nationale, les Cowboys vont gagner leur division. Ouais. Puis probablement que dans la division ouest, on sait que les Cards et les Rams vont être en série. Les Bucks aussi vont être en série. On a quand même un portrait un peu, mais c'est dur de trouver un favori là-dedans. Ça va être très, très, très difficile. Puis on pourra se garder un petit peu de temps aussi pour parler de nos de notre équipe, les Pats et de leur victoire. Ils ont torché les Jets de New York. C'était drôle à voir. Oui, avec style. Puis je te dirais, cette semaine... ce qui est arrivé, on va voir, là, c'est quand même une équipe qui est seulement à 3 victoires, 4 défaites, il faut pas partir en peur, mais les joueurs ont mentionné là, le storyline la semaine, c'est-à-dire qu'on avait jeté un peu au panier le début de saison et puis on voulait faire un statement contre les Jets en disant ce qu'on a fait, on est meilleur que ce qu'on a montré, on oublie ça, on jette ça aux poubelles, on n'en tient pas compte, puis on commence la saison commence contre les Jets dimanche. On a comme un peu fait ce genre et donc, on voulait gagner, mais pas gagner comme le premier match contre les Jets. Là, vraiment, une victoire d'équipe. Et puis, effectivement, écoute, la ligne à l'attaque a été excellente. Si les Jets ont un point fort, c'est leur ligne défensive. C'est leur point qui est quand même un peu plus fort que les autres. Et la ligne à l'attaque les a dominés. Mac Jones a joué un super match. Mais ça, honnêtement, il joue très bien depuis le début de l'année. Moi, j'ai rien à reprocher à ce jeune-là. Puis beaucoup, tout le monde s'est mis un peu l'épaule à la roue, puis tout le monde a bien joué. Alors, écoute, juste pour faire un petit topo, là, actuellement l'équipe est 3-4. Les trois prochains matchs vont être contre les contre les Chargers. Ensuite, ça va être t'as les Browns et les Panthers. Ouais, Panthers, Browns, Chargers, Panthers, Browns. 3 victoires, 2 défaites dans ce stretch-là, te place à 5-5 pour en vue du dernier droit. Si c'est le cas, ben c'est pas fini. Ils ont encore une chance de causer des surprises d'ici la fin de l'année. Il faudrait pas les écarter trop rapidement. Donc, tu as 3 matchs, puis moi je pense qu'il y en a 2 sont gagnables sur les. T'sais, d'avoir une fiche de 2-3, ce serait pas impossible après ce stretch-là. Donc, Le début à 2-4, on en avait déjà parlé, c'était un peu prévisible à cause de la qualité de certains des adversaires, mais mais là, je pense que de la façon que l'équipe a joué les deux derniers matchs contre Dallas puis contre les Jets, si ça continue de cette façon-là, je pense que 2-3 dans les trois prochains, ça serait pas impossible. Ça ramènerait l'affiche à 5-5 si c'était le cas. Puis là, ben tout est possible à partir de là. Donc, on verra. Je pense pas que les Bills à ce stade-ci, on doit les considérer comme un peu inaccessibles. Mais c'est vraiment une bonne équipe. Mais on le sait pas encore. On l'a vu avec les Ravens en fin de semaine. C'est une ligue où tout peut arriver. Il faut jouer les matchs, puis des fois, tu peux avoir des grosses surprises. OK. On s'en reparle quelque part la semaine prochaine. D'accord. Alors, bonne semaine. Notre ami Hugues Fouché qui nous parlait de la NFL et de l'Institut.